geste final qui d'une manière ou l'autre nous attend tous deux, maintenant ou demain, marque notre fin qui un jour ou l'autre sera nos destins. Toujours en tension, émotion tendue, toujours sur le vif, corde sur le vif. Personne ne vit, sauf nous.